J'ai deux oreilles, je suis parfait et un nez proportionné. En somme, je suis unique. J'ai deux oreilles décollées et un nez qui est bouché. Suis-je pathétique? Je craque sur du polyamide en accordant mon diapason. Lui qui résonne dans le vide en des milliards d'électrons. Attendant le guitariste, ta voix est muette de tout son. J'entonne une chanson triste où César offre des fleurs. Un grand bouquet de myosotis. Tu as deux oreilles, je le sais. Ce sont elles qui m'écoutaient par voix téléphonique. Dans ton oreille, je chuchotais. Contre l'autre, ton oreiller bloquait les parasites. La jument cisalpine galopait de bon cœur. Direction Rome, j'imagine. On préparait la chandeleur. Mais franchissant le Rubicon, elle se sentit un petit peu bête. N'était-ce pas elle la vedette? Quand César offrit ses fleurs, ce grand bouquet de myosotis, d'une seule oreille tu dormais, d'une autre j'écoutais un néant cosmique. Mais ton oreille transpirait quand je me prenais pour un charmant comique. Un air lointain de guitare grésillait hors du plastique, pataugeant comme un canard sur une onde amnésique. Tu sais de cette histoire, ces quelques accords pour musique, et moi chantant tout plein d'espoir. César offrant ses fleurs, simple bouquet de myosotis, pauvre bouquet de myosotis.